Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. فنبدأ بهذا اليوم مع إخواننا الأفاضل قراءة هذه الرسالة عوائق الطلب لفضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه. هذه الرسالة نافعة مهمة. Elle est très importante pour طالب العلم. كذلك فيها نعم فوائد كثيرة. طلب العلم سئ النعمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui emprunte un chemin, une voie pour apprendre دين الله سبحانه وتعالى, cette condition, أي c'est علم الشريعة, السنة, القرآن, et tout ce qui facilite à comprendre le Coran et la Sunna, فهذا الله سبحانه وتعالى il facilite un chemin pour le Jannah. Ça nous montre que le talab al-ilm, c'est une voie qui mène à la Jannah. Et le but de chaque mu'min, c'est ça. Comme on a dit dans notre dars précédent, dans l'usul al-sunnah. Et ce ilm, il y a une manière pour apprendre. Il y a des livres par lesquels il faut commencer. Il y a des livres au départ, il ne faut pas les faire. Le talib, il n'a pas encore le qudra, la capacité. Il y a une manière de réviser, il y a une manière, une façon d'apprendre par cœur. Il y a des choses qui vont t'aider. Il y a des choses qui vont être utiles plus que d'autres. Fatalibul ilm. S'il veut avancer, mais ibnillahi azza wa jal, awalan, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hvar min shubuhati shaytan. Et parmi ces shubah, annaka, tu n'arriveras pas à comprendre. Dinullah, il est très simple. Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité le Coran et le Sunnah. Fahdhar min hadhihi shubuhat. Allah subhanahu wa ta'ala karimun. Même si on qadr que tu ne comprends pas certaines choses, tu es récompensé. Wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, fa inshaAllah, tu es excusé si tu as fourni les efforts nécessaires. Fahdhar min hadha. L'ilm, c'est pour tout le monde. L'ilm, c'est pas pour réserver pour un tel, ou dans tel endroit, ou tel pays, ou avec tel professeur, tel shir. L'ilm, c'est pour tout le monde. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation pour tout le monde. Fahdhar min hadha. Ne pensez que l'ilm, c'est pour un tel et un tel, et un tel, tu peux pas. Ou ça sera trop difficile. Là. Hadha, tu dois bien comprendre, anna hadha l'ilm, il y a une méthodologie à avoir. Une méthodologie à comprendre. Et on a déjà détaillé hadha. Et on détaillera كذلك ce point qu'on a déjà étudié ma'a ba'd al-ikhwa al-manhajiyah as-sahiha fi talab al-'ilm. Inch'Allah, ça sera le sujet de la muhadara de dimanche. On résumera ce qu'on avait fait ensemble ma'a ba'd al-ikhwa. Amma cette risala, elle est très très importante. Limadha, pour continuer ce qu'on disait, talib al-'ilm doit connaître at-tariq. Il y a des choses comme on a qui sont très utiles, des choses qu'il doit comprendre, des choses qu'il doit faire des efforts plus que d'autres. Et il y a des choses qui, robama, ils ralentissent hadha at-talib. Il y a des choses, robama, ils l'écartent an at-talib. Des obstacles. Awa'iq. Awa'iq, c'est le pluriel de a'iq. Et c'est, on peut traduire, on a un obstacle, quelque chose qui t'éloigne. Enfin, en tant que talib al-ilm, tu dois connaître comment étudier, par où commencer, les choses qui vont t'aider. كذلك tu dois faire attention à هذه العوائق qui peuvent t'écarter من الطريق. كم من الناس طلبوا العلم مدة ثم تركوا. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème physique? Là. Est-ce que c'est un problème d'argent? Là. C'est à cause de certaines choses وقعوا فيها أي ربما un obstacle il l'écarte. عيادا بالله. فاحذر. طلب العلم c'est une ni'ma, لكن cette ni'ma doit être préservée avec العلم, connaître ce qui est utile et ce qui est nuisible. فلهذا الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه لا يكخس رسالة نصحا لطلبة العلم. الشيخ عبد السلام عالم من علماء السنة malgré son jeune âge, il est mort très jeune rahmatullah alayh, lakin il était considéré parmi al-ulama rahmatullah alayh, et il a côtoyé كثير من اهل العلم, et كذلك il a côtoyé كثير من طلبة العلم, ses élèves ou autres. Il avait compris rahmatullah alayh أن الطالب ربما يصرف, ربما il est écarté de هذا الخير à cause de certaines choses, et il les a rassemblées dans cette risale. الحقيقة ce genre de رسائل on doit les lire, les relire, on doit bien méditer sur l'adilla qui sont citées à quoi l'ahl al-ilm. وكذلك cette risale on l'avait résumé, on avait résumé ce sujet, on avait profité de cette risale مع بعض الإخوة من قبل, on avait propagé une série de deux cours sur les obstacles. لكن à partir d'aujourd'hui on va lire الرسالة هي أنفع. Il a cité adilla كثيرة, il a cité à quoi l'ahl al-ilm. Et ce qu'on connaît, ça nous fait un rappel. Et ce qu'on ignore, alhamdulillah, nastavid. Et talib al-ilm, il est hakada. Bayna hifd wa qira'a wa mutala'a wa dirasa. C'est pour ça que ce deuxième cours, après usul al-sunnah, et en général après le premier cours, on essaie de choisir des rasa'il min bab al-qira'a hatta on n'oublie pas. Min bab al-mushh wa al-dhikra li anfusina wa li ikhwanina. Cette risale, elle est très très importante pour talib al-ilm. Ne pense pas que l'ilm c'est l'apprentissage faqat. Là, ne pense pas que l'ilm c'est le hifz faqat. Là, ne pense pas que l'ilm c'est le kutub faqat. Là, ne pense pas que l'ilm c'est une étiquette. Un foulain, s'il pense que tu es un talib al-ilm, tu es forcément un talib al-ilm. Là, talib al-ilm c'est une ibada. Bel c'est min anfas al-ibadat, min anfa al-ibadat. كثير من العلماء من أئمة السنة يقولون أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات ولا شك أن l'étude de la science c'est mieux que العبادات النوافل أي les adorations qui sont recommandées. لماذا؟ لأن بلا علم تعرف قدر الله سبحانه وتعالى. Et كذلك أن العلم ستستفيد أنت ويستفيد غيرك. Si tu apprends et tu propages العلم فتu vas profiter أنت. Et كذلك, tu vas faire profiter les autres. أَمَّا نَوَافِلَ الْعِبَادَةِ فَا c'est profitable que pour toi. وَطَالِبُ الْعِلْمِ il néglige pas ni l'un ni l'autre, ni l'ilm ni l'ibadat وَلَوْ النَّوَافِلْ. لكن pour vous montrer منزلت العلم فنبدأ في القراءة ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. قال الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه العائق الأول. أما المقدمة فسهلة. Celui qui veut la lire, yaqraha fi baytihi. Nous, on commence directement par al-a'iq al-awwal. On répète al-a'iq, c'est le singulier de awa'iq. Et on ne traduira pas, nous. Tu sais que al-a'iq, c'est quelque chose qui t'écarte, qui t'éloigne, qui te ralentit. Un obstacle entre toi et une chose. Enfin, on ne dira pas d'aïman le premier obstacle, deuxième obstacle, là. Hatta nastavid kadalik dans la langue arabe. Qala al-a'iq al-awwal. طلب العلم لغير وجه الله تعالى. Il l'a cité en premier. لماذا؟ لأن c'est العائق le plus grave. Étudier هذا العلم pour autre qu'Allah سبحانه وتعالى. Ça nous montre أن الطالب il doit tout faire pour renforcer sa niya. دائما se remettre en question. لماذا j'étudie؟ لماذا j'achète tous ces livres؟ لماذا je me rends à ce dors؟ لماذا j'écoute؟ لماذا je défends tel hadith ou je défends tel shaykh, لماذا je défends دين الله سبحانه وتعالى. دائما se remettre en question. قال الشيخ عبد السلام عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم إسا أصل من أصول هذا الدين أن العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا بنية صالحة خالصة. N'importe quelle œuvre que tu fais, Akhil Karim, elle ne sera acceptée qu'avec cette condition, al-ikhlas. Au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a cité comme exemple une ibad azima, al-hijra. Al-hijra, le fait de délaisser une terre de kufr pour rejoindre une terre d'islam. C'est ça l'hijra. Al-intiqal, min bilad shirk ila bilad al-islam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasoolih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasoolih. La niya de ce mu'min, son intention, c'était de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre les commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a la récompense. Et trouvera la récompense yawm al-qiyam. Niyatun saliha, khalisa lillahi azza wa. Deuxième cas, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha. Pourquoi il fait l'hijra? Un profit de dunya. Pourquoi il quitte ce bilad pour un autre? Le haqiqa, c'est pas pour pratiquer son dîn. Là, c'est pour الدنيا عيادا بالله أو قال امرأة ينكحها أو pour se marier عيادا بالله. Il se déplace, il sait qu'il va se marier et son but, ce déplacement, c'est que pour le mariage. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هجر إليه. Il gagnera de sa hijra que pourquoi il s'est déplacé. Si c'est pour un travail, فربما il travaillera. Si c'est pour le mariage, ربما il se mariera. Et ça s'arrête là. Amma indallah, fa, il n'a pas de récompense. Fa talibul ilm, awwalan, il doit se poser la question, limada tous ses efforts, limada tous ses sacrifices, est-ce que c'est pour se montrer? Est-ce que c'est pour être complimenté? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent, pour avoir une place, pour être un imam, pour être un professeur, pour l'argent faqat? Hadi c'est une niya sayyi'a. قال الشيخ عبد السلام وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر يمونتخ أن أهل العلم doivent خزغ بهذا العلم. أما فيغ ديزيفور في العلم que pour avoir une place, iyadun billah. Ou pour être montré du doigt, pour être connu, pour avoir des suiveurs. Hada fil haqiqa, son ilm, c'est une hujja contre lui. Ça sera une preuve contre lui yawm al-qiyam. Et vous connaissez le hadith, anna awwal, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé, anna awwal, les premiers qui seront versés fin nar yawm al-qiyam, thalatha. Trois personnes. C'est les premiers qui rentreront finalement. Minhum, wahed qui apprenait le Coran pour qu'on dise annahu qari. Annahu masha'Allah, il récite bien. Annahu, il a une belle voix. Son objectif, c'était hada. C'était pas d'apprendre pour comprendre, d'apprendre pour appliquer, d'apprendre pour propager, d'apprendre pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Là, c'était pour que les gens y disent. وجاء في الحديث وقد قالوا ils ont dit. لأن son objectif c'était هذا, enfin ils voulaient se montrer, enfin les gens ils ont dit ما شاء الله il a du ilm, ما شاء الله il récite bien. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a montré à ce genre de personnes في النار عيادا بالله. فاحذر, on répète أن العلم c'est une ni'ma, لكن on fait attention que les passions ils rentrent pas في هذا. بعضهم الآن leur objectif c'est فقط مثلا d'être imam de masjid pour avoir de l'argent. Quand il prépare son avenir, lakin de dunya. C'est pas ça l'ilm. Si Allah yifta' alayk et taniya li tayyiba et alhamdulillah un tel ted ou hada, c'est autre chose ça. Touchant rien taniya, lakin ibtida'an au départ, un niya, c'est d'avoir une place, d'avoir de l'argent. Hada, c'est très très grave. Qala radiyallahu anhu, ibn Mas'ud. On finit, لأنه il va citer un hadith. قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. هذا الحديث قال في الحاشية رواه ابن ماجه وقال حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبي والشيخ الألباني كذلك يحسن هذا الحديث حسنه الإمام الألباني في صحيح ابن ماجه من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته. هؤلاء الفائزون المحسنون الموفقون همهم أي سنسوسيس الآخرة. وتقدم معنا أن كلام مفيد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه dans la رسالة qu'on a fait précédemment, رسالة ابن القيم لأحد إخوانه. Et on avait détaillé هذا. Fais attention que همك, tes soucis, tes préoccupations, c'est que الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا. كفاه الله هم الدنيا. أي الله سبحانه وتعالى يفتح عليه. Vu que ses préoccupations c'est l'akhira, فالله سبحانه وتعالى il ouvre les portes de الدنيا. C'est important pour طالب العلم. لماذا؟ لأن celui qui veut faire des efforts في العلم, automatiquement il doit faire des sacrifices par rapport à الدنيا. أما rassembler الدنيا والعلم فلا. لأن tu dois faire des efforts. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas ton risque. Ça ne veut pas dire que tu seras pauvre. Là, لأن الله يفتح على من يشاء. نحن on parle des efforts. Si tu veux faire des efforts في العلم, tu es obligé de te consacrer كثيرا au علم. Et deuxième question, ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Là, بعض العلماء ils travaillent, بعض طلبات العلم ils travaillent. لكن on parle les efforts ou l'ijtihad. Et همك ça doit être في طلب العلم أكثر. Et ça ne veut pas dire que tu ne fais aucun effort في الدنيا. لكن celui son هم, sa préoccupation, ses soucis, c'est que الدنيا, et il rentre في العلم, فربما يطلب العلم pour الدنيا. S'il y a de l'argent, il fait des efforts. S'il n'y a plus d'argent, il ne fait pas d'efforts. فلهذا tu trouves البعض, ils ont fait des efforts pour طلب العلم, pour avoir un diplôme. Quand ils ont eu ce diplôme, انقطعوا, ils ont arrêté. عياذا بالله. ربما il a eu la place qu'il voulait, imam dans un masjid, ou professeur dans telle école, tel ma'had. ثم ils ont arrêté les efforts في العلم. Ça montre un ami à la base, c'était pour telle chose. Dès qu'ils ont eu cette chose, ils ont arrêté. Là, on fait attention de ne pas faire partie de ha'oula. أنت fais des efforts في العلم وهمك ونيتك رضا الله سبحانه وتعالى دار الآخرة الله سبحانه وتعالى سيفتح عليك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى سر الرزاق عز وجل قال ومن يتق الله celui qui craint Allah ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله سبحانه وتعالى il ouvre les portes ويرزقه من حيث لا يحتسب il lui donnera ربما d'un endroit où il s'y attend pas من حيث لا يحتسب أهم شيء تنية أخي الكريم et bien sûr faire les asbab. Ça ne veut pas dire que طالب العلم tend la main أبدا أن طالب علم il se rabaisse أبدا أنه il se consacre au علم et il m'en dit لا. Fais des efforts. Si tu as besoin de travailler, travaille. Et ne te rabaisse pas, ne tends pas la main. فاليد العليا خير من اليد السفلى كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. أما celui qui son هم c'est que الدنيا ربما ينحرف. Aucun توفيق. ربما لا يسدد في أقواله وفي أفعاله. Tu trouves qu'il n'y a pas de baraka dans son temps, dans son dirasa. لماذا لأن همه في الدنيا. طالب العلم دائما il doit se rappeler أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب. أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. أن الله عز وجل مطلع عليك. Que tu sois en public, que tu sois chez toi, que ce soit deux nuits, que ce soit deux jours, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kulla shay. Enfin, ce temps que tu donne-le lillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera. لأن هذه الدنيا الآن. Que certains, même leur ilm, c'est pour dunya. هذه الدنيا c'est min mulki Allah azza wa jal. Il la donne à qui il veut. Enfin, consacre-toi à din Allah subhanahu wa ta'ala et Allah il te donnera. On cite un deuxième hadith et il ressemble à hada, il le renforce. حديث أنس رضي الله عنه. Il est pas cité dans la رسالة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم تأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. الحديث رواه الإمام ابن ماجه وصححه الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح. دونك الحديث كذلك للثابت للصحيح. من كانت الآخرة همه celui dont الهم الهم c'est ce qui te préoccupe, ce qui te travaille à l'intérieur. C'est l'akhira. Et في الحقيقة هذه c'est une ni'ma. فلهذا الإنسان يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون همه الآخرة. أما celui qui pense qu'à الدنيا c'est طريق الهلاك, comme on a vu dans l'autre hadith. لم يبال الله في أي أوديتها هلك. On fait attention et on demande à Allah سبحانه وتعالى أن يجعل أكبر همنا c'est الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. Vu que son objectif, sa préoccupation, c'est l'akhira, Allah subhanahu wa ta'ala imal ghina fi qalbih. Ay, alhamdulillah, il est satisfait. Il se contente du peu. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne et ça lui suffit. Amma, celui qui est da'iman à la recherche de dunya, vous allez voir l'explication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Incha'Allah, qala, wa jama'a lahu shamla. Ay, celui dont l'objectif c'est l'akhira. Allah subhanahu wa ta'ala yajma' shamla. Il n'est pas éparpillé. Il est muwaffaq dans son temps. Le peu qu'il a, il y a de la baraka. Pourquoi? Lian Allah subhanahu wa ta'ala yubarik lahu fi waqtihi wa malihi wa ijtihadih. Allah y met de la baraka. Qala wa atatuhu ad-dunya wa hiya raqima. Son objectif c'est l'akhira et dunya elle vient. Et هذا ربما vous l'avez déjà vu. بعض العلماء ils font des efforts في العلم et dans l'écriture de livres, dans da'wa. كذلك بعض طلبة العلم ils font des efforts et c'est dunya qui vient. بل à ce stade هؤلاء العلماء وطلبة العلم ils ont peur pour leur nafs de dunya. C'est plus eux qui cherchent dunya, c'est dunya qui vient et eux ils ont peur. Les anna dunya c'est une fitna. Donc avec ces efforts Allah subhanahu wa ta'ala يفتح عليهم. تستفيد من هذا أن طلب العلم من أسباب الرزق. C'est une cause de risque. لا تظن أن si tu fais des efforts في العلم tu n'auras pas ta part de dunya أو tu n'auras pas de quoi manger, de quoi payer ton loyer. Ça c'est من حرب إبليس على طلبة العلم pour les écarter. Fais des efforts في العلم, fais des أسباب. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, on ne fait aucun effort. Là, لكن ne pense pas que le risque ça vient du travail ou d'un tel. C'est que des causes. الرزق c'est من عند الله. وجاء في الحديث الآخر أن deux frères, et on vous a déjà cité le hadith كثيرا, on les répète هنا لأن c'est مناسب, أن deux frères في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ils avaient une مزرعة des champs. وواحد منهم il travaillait beaucoup dans les champs et un autre il restait beaucoup avec le Nabi صلى الله عليه وسلم. Celui qui travaillait s'est plaint auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Anna son frère, il ne l'aide pas. Anna son frère, il est beaucoup avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Annabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a démontré anna hada ton frère qala la'allaka turzaq bih. Et il laisse-le apprendre. C'est une ni'ma pour toi et pour lui. La'allaka turzaq bih. Et peut-être que le risque que tu as dans ton champ et al-baraka, c'est la cause, c'est ton frère. Bi-idhnillahi azza wa jalla. Ça nous montre que le talab al-ilm, c'est un sabab azim. Sans négliger les autres causes. On revient au hadith. قال ومن كانت الدنيا همه. Celui dont l'objectif, les préoccupations, c'est que الدنيا. هذا في الحقيقة, ça arrive كثيرا في العوام, في أصحاب الدنيا. لكن طالب العلم, s'il ne fait pas attention, et même ses efforts في العلم, c'est pour الدنيا. Il écrit un livre, ou il traduit, yadam billah, c'est que pour l'argent. Il sait que Rabbama, il va gagner l'argent. Il donne un dars, c'est parce qu'il est payé. S'il n'est pas payé, il n'y a plus de doros. Il fait des efforts, Rabbama, il veut ses diplômes, mais il sait que dans tel masjid, dans telle ville, ils ont besoin de imma et le salaire s'étend. Wa la yubali bil akhirah. Qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer la gravité de ce cas, wa man kanat ad-dunya hamma, ja'ala Allahu faqrahu bayna 'aynayhi. Allah subhanahu wa ta'ala, il place la pauvreté entre ses deux yeux. Banu Adam, ou Bani Adam, la yashba'u. La pauvreté entre ses yeux. Faroubama, il va arriver à son premier objectif. Il va encore faire des efforts, fit dunya. Et vous avez déjà remarqué, hada, anna ashab dunya, rubbama, ils ont beaucoup d'argent et ils ont da'iman peur de la pauvreté. Et ils pensent da'iman al-mustaqbal, l'avenir. Qu'est-ce que je vais laisser pour mes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser pour moi? Qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir? Et yakhafoun. Pourquoi? Les annahum, ils ont délaissé l'essentiel. Wallahi, tu peux faire les efforts que tu veux, fi dunya. Ce cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le guide. Al-qulub bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman. Alors, ils font tout pour s'écarter de la pauvreté et faire des efforts pour s'assurer, entre guillemets, l'avenir. Et, al-haqiqa, ils ont toujours peur de la pauvreté. Pourtant, ils ont. N'oubliez pas, hadal hadith. D'autres, tu les vois, ils ont peu. Lakin, ils sont occupés par autre chose, par l'ilm, par l'amal. Ils pensent déjà où ils marchent sur terre et ils pensent déjà le jour où il sera dans sa tombe. Ils se préparent, ils pensent déjà yawm al-qiyama. Annahu, il sera debout. Allah subhanahu wa ta'ala, il le questionnera. Annahu, il sera ressuscité nu. Annahu, rien ne sera utile. Illa al-amal al-salih, yawm al-qiyama. Il pense déjà à ça. Tu le trouves, il a peu. Wala yubali. Alhamdulillah, il est firaha. Le peu qu'il a, ça lui suffit. L'imad al-anna, il est convaincu. Anna, c'est une étape. Bah, ils font des efforts. Ils font des efforts. Fi dunya, rubbama, des millions, des maisons, des voitures, ils meurent. Il n'a même pas eu le temps de profiter, tellement qu'il avait beaucoup. Est-ce que هذا سيمر على هذا الحال في الحقيقة il a préparé son avenir? Il n'a rien préparé. Son avenir, c'est le qabr, يوم القيامة. Mais la dunya, ce n'est pas un avenir. C'est dar de ghurba et de passage. قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. Vu que son objectif, c'est que la dunya. Et il délaisse la chose pour laquelle il a été créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et où a sa préoccupation que cette dunya, Allah yufarriq shamla. Allah il fait ce qu'il veut. On peut citer un mythal, بعض الناس, ils sont accrochés à dunya. Ils pensent qu'à dunya, ils font des efforts, que fait dunya. Vous avez remarqué qu'ils sont da'iman dans les problèmes. Il fait des efforts pour gagner de l'argent, et il a de l'argent. Robama il fait un accident. Il est obligé de payer. Il refait des efforts, il refait des efforts, Robama, on lui vole sa voiture. Il refait des efforts, Robama, son enfant, il tombe malade. Et il est da'iman fi ta'ab. L'argent, elle rentre et elle sort. Elle rentre et elle sort. Robama, il tombe malade. Robama, il a des problèmes de couple. Robama, il divorce. Tu le trouves, il profite pas. Il profite pas du ilm et du din. Et kadhalik, il profite pas de cette dunya qui fait des efforts. Amma, on revient au premier cas. Allah subhanahu wa ta'ala yajma' shamla. Rubbama très peu il a, alhamdulillah. Il est fait raha et le peu qu'il a, ça lui suffit, il y a de la baraka. Et c'est pas une fitna, ça l'éloigne pas de l'ilm et de son din. Alhamdulillah, il a tout gagné. Qala alayhi salatu salam wa farraqa alayhi shamla wa lam ya'tih min ad-dunya illa ma quddira lah. Kadhalik, il peut faire ce qu'il veut comme effort. Et met toutes ses forces fi dunya, il arrivera à gagner que ce que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a qaddar la ghayr. Ça nous montre anna ad-dunya, on la laisse fi manzilati ad-dunya. On fait les asbab et ça s'arrête là. Amma wahid, il travaille nuit et jour. Wa'aduhum, ils ont un travail. Haqiqa, ça peut lui suffire et ça lui suffit. Iyadun billah, sa femme elle doit travailler. Et Rubama, sa femme, elle est exposée à la mixité avec le Fujjar, Bardohun avec le Kuffar. Malgré cela, Rouway rajoute un deuxième travail, Rubama le week-end. Wallahi, hatta Bardohun, Rubama il ne voit pas son épouse, Rubama il ne voit pas ses enfants, Rubama il ne va plus au masjid, Rubama il n'a jamais fait le Hajj, Rubama il ne voit plus ses parents, et ses parents peut-être qu'ils sont malades, ils ont besoin de lui. Il est que Al-Amal, Al-Amal. Haoula, peut-être qu'il va arriver à un certain âge, il tombe malade. Tellement qu'il avait de la pression, le stress. Enfin, pourquoi tout ça? Alors que tu as besoin d'un travail. Le travail, c'est pas haram, bien au contraire. Travailler, c'est mieux que de mendier. Travailler, ça contredit en rien appliquer la sunna et apprendre. Là, si tu travailles, enfin, tu consacres un temps pour l'ilm. Ce petit temps, Allah yaj'al fihi al-baraka. Il m'a rajouté. rajouter, rajouter et vouloir toujours plus. Fa l'être humain la yashba. Kama akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si tu lui donnes wadin min dhahab, il vaudra un deuxième. Si tu lui donnes un deuxième, il vaudra un troisième. Wad. Vous savez, c'est quoi le wad? C'est la rivière. Si tu lui donnes cette rivière remplie d'or, il vaudra une deuxième. Tu lui donnes une deuxième, il vaudra une troisième. Fa taqillah akhi al-karim. Taqillah akhi ki. Si tu veux faire des efforts fil ilm, fais attention à dunya. À dunya, c'est la chose qui écarte le plus talabat al-ilm du khayr. Qala inna ahaq ma'tana talib al-ilm bihi mu'alajat an-niyya wa ta'ahudaha bil islah wa himayatiha min al-fasad wa dhalik li anna al-ilm إنما اكتسب الفضل كونه خالصا لوجه الله تعالى أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة. Pourquoi هذا العلم إلى المنزلة عظيمة عند الله. Ceux qui font des efforts في العلم, ils ont un rang élevé عند الله. Pourquoi? لأن الله aime ce علم et le fait d'étudier ce علم c'est une عبادة. Donc tout ça, ça doit être fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amma celui qui prend ce ilm et il a pour objectif la dunya et l'argent et ne pas se rapprocher d'Allah azza wa jal, fa kama qala ash-shi'a qala amma idha kana li ghayri llah fala fadilata fihi. Si c'est pour autre qu'Allah, il n'y a aucun bien. Même s'il apprend, même s'il reste au masjid, même s'il y délivre, il n'y a aucune fadila. Wallahi, c'est du char. Il irait travailler fait quelque chose de dunya, fait le halal, et il ne se rabaisse pas. Et sa niya, c'est de travailler pour subvenir à ses besoins, à sa famille. Wallah, il serait ahsan halan que d'étudier pour le dunya. Qala, bel huwa fitnatun. C'est une fitna. C'est une fitna. En apparence, c'est du bien, et en haqiqa, c'est du char. C'est ça le fitna. Qala, wa qad ulima أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا العلم, هذا الطلب, tous ces efforts, que ce soit le fait de voyager, d'acheter des livres, d'assister à des cours, tout ça, ça demande un juhd. L'insan qui est مخلص, il a un أجر عظيم في هذا. Tout ça, il faut al-niyya, al-khalisa. Tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, chacun a au départ, l'insan, il n'est pas ma'soum. On a tous des faiblesses. Al-nahiyanan, hadhi niyya qad yadkhuluha shay. Lakin, baisse par les bras et fais des efforts. On se remet en question. Quand tu sens une obstacle, al-nataniyya, elle commence à dévier, à dériver, reprends-toi en main. Reprends-toi en main et tu dois savoir et tu sais, walillahi alhamd, anna hadha al-abd il peut rien te donner. Même si un tel il dit que tu as du ilm, ça va te changer quoi? Même si un tel il dit que tu as une belle voix, ça va te rajouter quoi si ce n'est pas accepté indallah? Et si tu es sincère, et en qadr, personne ne te connaît, personne ne te complimente, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ta situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui rétribue yawm al-qiyama, yujazi abdah yawm al-qiyama. On fait des efforts pour se rapprocher d'Allah. Amma al-abd, comme on répète souvent, aujourd'hui, il va dire que tu es un talib ilm qawi ila akhiri. Demain, une kalima, rubbama, il dit que tu es un munharif, que tu connais rien, que tu es. Hakada, ba'd al-nas, ils sont. Allah subhanahu wa ta'ala, shakurun halim. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît les efforts de son abd, et c'est lui qui le récompense. Fala tubali bi aqwal al-nas, et fais attention que ta niya, ça ne soit pas pour al-nas. Et هذا في الحقيقة c'est pour طلب العلم ou autre. قال فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء بإثمه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه كنا سيتي. أما si طالب العلم ses efforts c'est que pour عرض الدنيا, c'est que pour des bienfait de dunya, l'argent pour avoir une place. Quand tu fais pas asarab, dans la réalité en apparence, tu penses que c'est un talib al-ilm, et dans la réalité c'est un asi, commet des péchés. Limadha li anna hadha al-ilm hadha al-talab il faut an-niyya, une niyya lillah. Hadha dans la réalité sa niya, c'est autre que pour Allah, c'est un asi. قال واتعب نفسه, et il se fatigue. مع انه il est athim, il a des péchés, il se fatigue. ربما toutes ses assises, tous ses voyages, tout ce kalam, tout, c'est pas accepté عند الله. فيتعب نفسه, et ça c'est une khasara kabira. Toutes ces années, toutes ces assises, si l'insan n'est pas sincère et c'est pas accepté, c'est une khasara kabira, c'est une énorme perte. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala, wa lam ya'tih min ad-dunya illa ma kutiba lah. Al-iman bil qadar, ça facilite dans beaucoup de domaines. Fi talab bil ilm, c'est nafi'a. Fali hadha, on conseille d'aiman nos frères qui veulent étudier de commencer par une risala mukhtasara. Fi al-aqida, ça va t'ouvrir les portes dans beaucoup de choses. Ça va t'aider à corriger ta niya. Ça va t'aider à patienter. Ça va t'aider à ne pas te précipiter. Ça va t'aider à être modeste. Al-qana'a, et accepter, même si c'est quelque chose de peu, que ça te suffise. Tout ça, c'est lié à l'aqida. قال ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ذهب الوقت. Et le prochain dars, bi'idnillahi azza wa jal, nakmil hadha al-bab al-nafis, le premier point, le premier obstacle qu'il a cité, fi an-niyya, il est muhim. Hayyakum Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.